à Step in the House. Ou platine, Max Gatano. Et oui, c'est pas DJ Divi au platine pour cet épisode, ça sera Max Gatano. C'est un artiste lillois et c'est mon premier invité. Ça va être 100% électro et vous allez voir, ça va vous plaire, vous pouvez me faire confiance. Allez, bye. Max Gatano en mix live. Au platine, Max Gatano.

Thank you. Yeah. Max Gatano en mix live. Au platine, Max Gatano. We'll be right back. En mix live. Au platine, Max Gatano.